On va continuer Kitab al-Salah, le livre de la prière. On va essayer d'avancer un peu. Qal al-Musannif. On fait juste un court instant de blanc, Inch'Allah, pour différencier entre le... Il y a l'adhan. الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسطى والفضل قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب صفات الصلاة قال وهذه الأحاديث في فضل الصلاة قليل من كثير واقتصرنا عليها خوفا من التطويل والملل donc les hadiths qu'on a étudié la fois dernière sur l'importance et les mérites de la prière et la valeur de la prière. Il dit en réalité les récits sont nombreux, mais nous avons évoqué certains hadiths, les récits concernant les mérites de la prière, certains, pour pas que ça soit trop long. Sinon, il y a de nombreux récits qui mentionnent les mérites de la prière. Là, l'auteur a d'abord parlé des mérites. Mais vous avez vu dans le chapitre, ce chapitre-là, on traite d'abord des mérites de la prière, mais aussi des fawa'id, des bienfaits de celle-ci, des bienfaits de celle-ci. Donc maintenant, l'auteur passe à la deuxième partie. La première partie était liée au mérite de celle-ci, puisque le titre de ce chapitre, Al-Fasl al-Rabiq, Al-Faslu al-Salati wa Fawa'idiha. Fadl al-Salati wa Fawa'idiha. Le mérite de la prière et ses bienfaits. La première partie qu'on a étudiée, c'est les mérites. Avec, il a évoqué certains textes, mais il n'a pas tout évoqué. C'était pas une liste exhaustive. Des textes, pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux. Mais il a voulu faire court. Pour pas que le lecteur aussi, ça soit trop long et qu'il sombre dans une forme de malaise. Le malaise, c'est une sorte de lassitude. Ensuite, maintenant, il va parler de la deuxième partie, al-fawa'id. Fawa'id al-salah. Qala, les bienfaits de la prière. Qala, annaha qurratul ayn. Premièrement, c'est la réjouissance de la personne, de ses yeux, de sa personne. Wa tuma'ninat al-qalb, c'est l'apaisement du cœur. Wa rahat al-nafs, et la personne va connaître un repos. Et donc, la personne qui prie véritablement, qui est concentrée véritablement, c'est pas juste son corps qui est présent. Il n'est pas là juste physiquement. Il y a des gens qui sont là juste physiquement. Si tu lui dis après la prière, qu'est-ce que tu as récité ? On ne dit pas qu'est-ce qu'a récité l'imam. Parfois, c'est nous-mêmes. On prie, si on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai récité ? On a oublié. Des fois, c'est juste le corps qui est présent. Et c'est pour ça que des fois, une prière à voix haute, si elle a été légiférée, si Allah Azzawajal a légiféré une prière à voix haute, c'est qu'il y a une sagesse immense. Et parmi les sagesses, c'est de méditer, d'écouter la récitation. Et parfois, on se fait avoir. Shaitan essaie de ruser avec nous. Et chacun selon son degré. Et chacun Shaitan, il va essayer de l'avoir selon la personnalité et la personne qu'il y a. Parfois, nous, on écoute la récitation derrière, et ça peut nous arriver, que nous, on va se concentrer sur les lettres, sur les règles, qui sont très importantes. Mais on va se concentrer sur, est-ce que l'imam là, il a fait tefrim, il a farham la lettre? Est-ce que l'imam là, il a raqqaq la lettre? Est-ce que l'imam, il a bien prononcé ça? On va se concentrer. Allah, mashallah, il a raqqaq, ra, mashallah. On va se concentrer beaucoup sur les règles. Et à la fin, on ne se concentre pas sur le ma'ani. On ne se concentre pas sur l'essence. Les règles sont importantes. Il faut réciter le Coran comme il a été révélé au prophète. Mais parfois, on accorde toute notre attention sur les règles. On en oublie le principal. Les règles sont là pour que le Coran soit récité comme il faut. Mais le principal, c'est quoi? C'est de méditer le sens. Parfois, on va se concentrer sur la récitation du récitateur. Et on va se dire, la belle récitation. On va se concentrer sur sa voix. Et nous, on va accorder toute notre attention à la voix, à la récitation. On en oublie de méditer le sens. On en oublie de méditer « Iyaka na'bud ». Lorsqu'on dit « Iyaka na'bud » ou « Iyaka nasta'in », on en oublie de méditer qu'on dit « Iyaka na'bud » ou « Iyaka nasta'in ». Et ça, c'est très important. Si vraiment le corps est présent et le cœur est présent, alors ça devient la réjouissance. Le croyant va trouver un plaisir à prier. Mais il ne va pas prier avec paresse. Parce que ça, c'est une caractéristique de prier avec paresse, que cette prière soit lourde, d'une catégorie de gens. Mais le croyant, ensuite, ça va être un apaisement du cœur. Il va trouver une quiétude. Et rahat nafs. Et il va trouver une tranquillité. وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ كَمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ وَكَانَ يَقُولُ قُمْ يَا بِلَالَ فَأَرِحْنَا بِالصَّلَةِ. Le prophète صلى الله عليه وسلم, dans un récit, il disait حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاء. Et ça, c'est naturel. L'homme est comme ça. Allah fait que les femmes étaient quelque chose d'apprécié. Chez le prophète, sans salam, lui fut aimé cette chose-là. Et il dit, وَطِّيب, et le parfum, mais il dit, وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي, mais la prière, c'est vraiment la réjouissance de l'œil. Celui qui a une autre traduction de قُرَّةُ الْعَيْنِ, la jouissance vraiment de l'œil, vraiment. Et il dit la prière. C'est pour cela qu'il est rapporté dans un récit, le prophète Anselme un jour a dit à Bilal, qui est mandaté de faire l'appel à la prière, le prophète lui a dit, Arihna bis-salah, procure-nous du repos. Donc on comprend que la prière, c'est un repos. Regardez, surtout lorsqu'on vient pour prier en commun, la personne, c'est pas facile. Il faut qu'à ses préoccupations, la vie active, la vie professionnelle, la famille, les obligations personnelles, s'occuper de l'éducation de ses enfants, celui qui a ses parents qui sont vivants, s'occuper d'aider ses parents, s'il est des voisins dans la difficulté, aider ses voisins, travailler, la vie n'est pas facile. Lorsqu'on rentre à la mosquée, lorsqu'on commence à prier, là, il faut oublier tout. La prière va durer 15 minutes. Il faut faire en sorte qu'elle ne dure pas que 5 minutes. Il y a des pays, en 5 minutes, c'est prier. Mais est-ce que la prière est... Déjà, 15 minutes, c'est rapide. Mais si on prie, par exemple, une quinzaine de minutes, il faut oublier, laisser les problèmes de l'extérieur. Et là, on va trouver un apaisement dans la prière. On va trouver un apaisement dans la prière. Moi, je vous le dis parce qu'on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. Si le bateau coule, tout le monde coule. C'est final, c'est comme ça. On est des croyants. Les êtres humains, on est dans le même bateau. Donc moi, je me fais le rappel parce que... Et on se fait tous en réalité le rappel. On se fait tous ce rappel. Mais celui qui fait le rappel, il en a plus besoin encore. On a tous besoin de ce rappel-là. Celui qui parle, ça ne veut pas dire que lui, il est forcément le plus apaisé dans la prière. Mais on essaye de se faire le rappel. Il faut trouver l'apaisement. Et donc, essayer de laisser les problèmes pour faire que cette prière soit un apaisement. Fassalatu dhikru. Bi dhikri Allahi tatma'in al-qulub. Et donc la prière c'est un dhikr. Wa bi dhikri Allahi tatma'in al-qulub. Wa silatun bayna al-abdi wa rabbi. Wa yaqumu al-musalli bayna yaday rabbihi khashi'an dhalilan yusabbihu bihamdi. ويتلو كتابه ويعظمه بقوله وفعله ويثني عليه بما هو أهله ويسأله حاجات دينه ودنياه فهو روضة يانعة فيها من كل زوج بهيج. كلام نفيس. نكتفي بهذا ونواصل الكلام في يوم غد إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.